mais y a que ton nom qui résonne. Je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Je revois chacun de tes gestes. Tu veux pas lâcher du lest. Que je t'aime, que je te déteste. Je pense à toi. On voulait faire un album, des photos à Barcelone. Putain, qu'est-ce que je me sens conne. Je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Fais comme pour tes cigarettes, y'a même pas besoin d'allumettes. Fais-moi rouler sous tes doigts, rallume-moi. L'amour c'est comme un manège, la fête est toujours trop brève. Un deuxième tour pourquoi pas, si tu penses à moi. Si tu penses à tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes. Je suis moins forte que tu crois. J'ai le cœur sans voix et je pense à toi. Thank you. cette mélodie, cette mélodie-ci. Tu ressembles à cette mélodie, cette mélodie, cette mélodie. Tu ressembles à cette mélodie, cette mélodie. Juste aujourd'hui, tu ressembles à cette mélodie, cette mélodie-ci. Cette mélodie, cette mélodie. Tu ressembles à cette mélodie, cette mélodie. Quand t'es ici, tu ressembles à cette mélodie, cette mélodie. Són els protagonistes que ens acompanyen amb aquest programa eclèctic de All La Music, programa variat que ens arriba amb la nostra sintonia Hoshi en Japan's Atual, la triple A de Dimmy Cat. També ens acompanyava amb una de les cançons com podia trobar a través del seu àlbum Zig Zag, era la música des del 2012. I Philippe Catherine amb aquesta cançó, aquesta melodia que ens acostava des del 2010 amb l'àlbum del mateix nom. En Serge Gainsbourg ens acompanyarà també a través del nostre programa amb les seves cançons, la seva música, una gran companyia. És Les Chansons de Prévert que ens acompanya a través de All La Music. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Després de la música d'aquest gran compositor Serge Gainsbourg amb aquesta chanson de prova, escoltarem també a Christophe Willem. Ens l'havien presentat diverses vegades a través del nostre espai. Avui marxarem cap al seu àlbum Prismophonic, que va publicar el novembre de 2011. La cançó que escoltarem d'aquest àlbum és una de les interessantíssimes que hi ha dins el disc. Jamais Dû es diu aquesta cançó. Jamais dû croiser ton regard. Cette nuit, c'est la première fois que je peux voir dans le noir. T'allumes ce qu'il reste de moi, qu'il m'envoûte pour dissiper mes doutes. Peu importe, importe ce que ça coûte. Aujourd'hui, à la fin de la route, bien plus que quelques coups. Pour voir un film de peu qui me parle.

La música de la Patricia Cass, Chansons Simples, el títol del disc publicat el 2002 per aquesta cantant de Fort Bach, on va néixer l'any 1966. És genial la seva música, les seves cançons i la seva veu. Fem-ho a la mitia, es deia aquesta cançó. Ara escoltarem a l'Àngel Rodríguez en la seva col·laboració setmanal amb nosaltres, un programa aquest de l'Ala Music que m'encantaria poder obrir a tots els nostres oients i a les seves recomanacions. És per això que us demano que us poseu en contacte amb nosaltres si voleu opinar, si voleu enviar les vostres recomanacions musicals en format d'artistes, de cançons o de gèneres. Ho podeu fer, si voleu, al nostre telèfon 630 15 02 11. El repetim ara mateix, 630 15 02 11, o bé podeu posar-vos en contacte amb aquesta emissora perquè ens trameti el missatge i d'aquesta manera poder escoltar els vostres artistes, i les vostres opinions són molt importants per nosaltres, igual que fa l'Àngel amb aquesta col·laboració. Ens ho fa avui presentant-nos la cançó que ell ha triat. Endavant, Àngel Rodríguez. Què tal, Rafael? Gràcies per donar-me veu en el teu programa de ràdio. Avui proposo de tots els teus oïdors aquesta peça de luxe de Marc Laboigne i Cristina Marocco, que porta per nom Je t'ai oublié. Va formar part del 8è àlbum de Marc Laboigne i extret en format de senzill el novembre del 2001. Va ser un dels grans èxits en els països francòfons, arribant a ser el quart més venut a Bèlgica aquell 2001. Segur que us agrada amb vosaltres Marc Laboigne i Cristina Marocco. Je t'ai oublié. À deux pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À deux pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Oh non, ne me dis rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu importe qui m'appelle. Quand on dit bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens.

savez-vous qu'un jour l'homme est seul au monde? Savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde. Vous appellerez et vous songerez. Amis comme avant, vous viendrez rêvant. Et l'on vous dira, personne, elle est morte. On vous le dira, mais qui vous plaindra? Vous aviez mon cœur, j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu le mien. Le mien. Et perdu. Sí, hem escoltat a Pascal Obispo amb la cançó que ens conduïa des d'aquest àlbum de 2016. És el moment de seguir amb el nostre programa i seguir amb una altra de les protagonistes del nostre programa, d'aquestes cançons que ens recomanen els nostres oients. Ho tornem a repetir. De veritat, col·laboreu amb nosaltres i envieu-nos les vostres peticions, les vostres cançons o artistes que vulgueu escoltar a través del telèfon 630 15 02 11 o a través d'aquesta mateixa emissora. Estarem encantats, sigui de veu o amb escrit, tal com fa la Norma, que ens recomana una cançó de Michel Sardou, un dels seus artistes predilectes, una cançó que es diu Rouge, i ens escriu: Rouge vol dir vermell. Dona'm per molt aquest color, vermell com els llavis d'una dona quan l'amor la torna boja, vermell com la ràbia d'un home quan veu que desapareix tot el que ha construït i tot el que ha estimat. Rouge és la cançó que ens recomana la Norma al programa d'avui, de la música amb la veu de Michel Sardou. Comme un soleil couchant de Méditerranée, rouge comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée, rouge comme le sang de Rimbaud coulant sur un cahier, rouge comme la mer qui recouvre le désert de Judée. Comme les joues d'un enfant quand il a trop joué, rouge comme la pomme qui te donne le parfum du péché, rouge comme le feu du volcan qui va se réveiller, rouge comme cette étoile au cœur de ce dormeur couché. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique, comme un acteur blessé par les cris du public, comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque, comme la vision glacée du dernier Titanic. Rouge, comme le feu des tziganes quand les violons s'affolent. Rouge, comme un phare de signal quand un avion s'envole. Rouge, comme les lèvres d'une femme quand l'amour la rend folle. Rouge, comme le front du menteur qui trahit sur parole. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique, comme un acteur blessé par les cris du public, comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque, comme la vision glacée du dernier Titanic. Comme le silence qui suit les paroles en musique, comme une symphonie quand elle est pathétique.